Extrait de la correspondance échangée entre Lotte Kepring et Marieke von Günberg. Juillet 1968, décembre 1975. Paris, le 10 juillet 1968. Chère Marieke, tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu. Marie est à présent à l'abri et pour l'instant tout se passe bien. Je l'ai aperçue aujourd'hui au parc du Luxembourg. Tu aurais vu comme elle était mignonne dans sa jolie robe rouge. Elle était juste un peu large aux emmanchures. Tu avais raison. Elle devrait faire deux saisons. Je tiens vraiment à te rassurer. Notre petit ange n'avait pas l'air malheureux du tout, bien au contraire. Il semble qu'elle ait tout de suite été adoptée. Visiblement, Josette Roset est une bonne personne, car Marie était bien propre et bien peignée. Seul petit changement que j'approuve, elle ne portait plus ses souliers vernis. Je t'avais dit qu'ils étaient trop élégants. Ils étaient judicieusement remplacés par une paire de tennis neuves et bien plus pratiques. Marie avait l'air de bien s'amuser autour du bassin. Elle était exactement comme à son habitude, très souriante. Si j'ai attendu quelques jours avant de t'écrire, c'est que je voulais te donner un compte-rendu le plus complet possible. Je vais à présent reprendre les différentes étapes des événements. Comme nous en avions convenu toutes les deux, j'ai très discrètement réceptionné Marie et Nanou à la gare Saint-Lazare. Heureusement qu'il était très tôt, car Nanou, par sa brutalité envers Marie, aurait pu tout mettre par terre. Elle était une véritable pile électrique et abreuvait Marie de remontrances parfaitement inutiles, puisque celle-ci était sage comme une image. Curieusement, elle donnait l'impression que c'était elle l'adulte. Elle n'était pas du tout agitée. Le moment de la consigne a été le plus délicat, car à tout moment, quelqu'un aurait pu remarquer le manège ridicule de Nanou et donner aussitôt l'alerte. Heureusement qu'à cette heure, la population est majoritairement composée d'ouvriers qui n'ont pas de temps à perdre. Nanou harcelait constamment Marie, mais celle-ci ne réagissait pas, bien trop occupée à regarder ce qui se passait autour d'elle. Visiblement, la gare Saint-Lazare l'a beaucoup impressionnée. Le bus numéro 21 s'est fait un peu attendre, mais rien de bien grave. Pour une fois, Nanou a suivi à la lettre les instructions que tu lui avais données. Elle a bien acheté un pain au chocolat à Marie, qui était ravie, ainsi qu'un sandwich et une bouteille d'eau. Pensant sans doute tenir Marie plus tranquille, elle lui a également acheté un petit paquet de bonbons que notre petit ange a préféré mettre dans sa poche. Rassure-toi, elle a mangé le pain au chocolat d'un bel appétit. Dans le bus, Nanou s'est calmée et c'est tant mieux, car il n'y avait plus de monde. Marie s'est un peu assoupie. Pour ma part, je me tenais sur le rang opposé au leur, prête à parer à toute éventualité. Le trajet a été assez court, car beaucoup de Parisiens sont déjà partis en vacances et il semble que le gros des touristes n'a pas encore débarqué. Un peu avant d'arriver à destination, Nanou a fait lever Marie sans se faire remarquer. Je suis descendu à la station suivante et je suis revenu sur mes pas. Dans l'intervalle, Nanou avait déjà disparu et notre mari attendait sagement sur son banc, sa grosse valise à côté d'elle. Elle ressemblait vraiment à un petit ange. J'aurais aimé avoir un appareil photo sur moi, mais nous savons tous deux combien cela aura été dangereux. Monsieur Flavin est apparu à l'heure dite, c'est-à-dire à 11h07 précise. Il a repéré Marie d'entrée. Il l'a considérée longuement, puis il a fait son tour habituel. Mais on voyait bien qu'il sentait que quelque chose n'était pas normal. Marie, quant à elle, a fini par quitter son banc et est allée jouer avec d'autres enfants, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle paraissait même contente de les voir. Comme elle était propre, polie et bien habillée, elle a tout de suite été acceptée. Aux alentours de midi, le parc s'est vidé, mais pas au point de faire repérer Marie par le gardien, bien au contraire, car cette fois des nurses sont arrivées. Une petite était quasiment vêtue comme Marie, et on aurait aisément pu les prendre pour des jumelles, si la seconde n'avait pas été brune. Cependant, comme je te l'ai précédemment écrit, M. Flavin était bel et bien en alerte. Quand il a revu Marie à 3 heures, il s'est empressé de la conduire au commissariat le plus proche. Sans le savoir, il a respecté notre plan en tout point. C'est au moment où j'ai vu Marie pénétrer dans le commissariat que je me suis éclipsé. Tu me trouveras sans doute idiote, mais je n'ai pu m'empêcher de m'engouffrer dans le premier café venu pour pleurer tout mon sou. Un gros vicelard n'a pas pu se retenir de m'aborder pour me proposer de me consoler d'une prétendue peine de cœur. Tu l'aurais vu, il était répugnant. Cela m'a calmé tout de suite. Je dois t'avouer que la nuit suivante n'a pas été de loin la meilleure que j'ai passée. J'ai eu beau me dire et me répéter que c'était la meilleure solution, je n'arrivais pas à me tranquilliser. Je me sentais tellement coupable de t'avoir suggéré un tel plan. Seul point positif dans tout cela, que Nanou soit parti sans demander son reste. Je partage ton sentiment sur le fait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et qu'il fallait jouer serré. Au moins, ne lui avons-nous pas donné l'opportunité de profiter de la situation ? J'ignore comment j'ai trouvé la force de reprendre le boulot le lundi suivant. Marie-Hélène, cette fine mouche, m'a trouvé mauvaise mine. Je me le suis tenu pour dit. Je sais que je dois prendre garde à ne surtout pas te trahir. Tu t'en doutes, la semaine a été éprouvante. Elle m'a semblé ne vouloir jamais finir. J'avais tellement hâte d'avoir des nouvelles de notre petit ange. Heureusement, j'en ai eu dès le samedi suivant. Tu peux imaginer d'ici mon soulagement. Le juge Gerbier a fait exactement ce que j'attendais de lui et crois-moi, Marie sera très bien à Saint-Vincent-de-Paul. Paris, le 28 juillet 1968. Chère Marika, tout continue à bien aller du côté de notre petit ange. Je la vois régulièrement dans la cour de récréation. Elle s'est juste couronnée un genou, mais rien de bien méchant. Elle semble très bien s'intégrer. Et si elle est un peu pâle, c'est plus à cause de l'absence de soleil qu'autre chose. Aujourd'hui, elle portait le bermuda bleu ciel avec le petit chemisier en broderie anglaise. Ses cheveux étaient tressés en deux macarons. Elle était à croquer. Cela m'a fait chaud au cœur de la voir si bien soignée. Tu seras également ravi d'apprendre qu'elle n'est absolument pas solitaire ni laissée de côté. Au contraire, elle prend part à tous les jeux et à ce que j'ai pu en voir, elle n'est pas peureuse. Pour autant, Josette Roset garde toujours un œil sur elle, ce qui est très bien. Elle doit vouloir pouvoir parier à toute éventualité, même si Marie ne pose pas de problème. À présent, je dois t'entretenir d'un sujet beaucoup moins plaisant. Ton géniteur a débarqué chez Pétroleus sans prévenir. J'ai eu la désagréable surprise d'être convoqué au personnel et ainsi j'ai eu le privilège, du moins si l'on peut dire, de faire sa connaissance. Il est fidèle en tout point au tableau que tu m'en as dressé, gras, vulgaire et sans finesse aucune. J'ignore comment il a découvert que nous étions amis. Il a passé une bonne heure à m'abouiller dessus, mais malheureusement pour lui, j'ai tenu bon, ce qui n'a fait qu'augmenter sa rage. Comme il était inutile de nier la chose et puisque tu ne risquais plus rien, je me suis borné à reconnaître que nous avions été assez proches un temps, mais je ne suis pas allé plus loin dans les détails. J'ai soutenu Mordicus que je ne savais pas ce que tu étais devenu et que j'ignorais complètement où tu étais passé. Je sais qu'il ne m'a pas cru, je ne suis pas stupide, mais que pouvait-il faire ? Il a vite compris qu'il ne m'arracherait pas la vérité, que j'étais d'une autre trempe que toi. Pourtant, crois-moi, tout y est passé. Sais-tu qu'il a même essayé de m'acheter, ou plutôt, il m'a fait miroiter une récompense. Heureusement que tu m'as détaillé avec précision la situation de la brasserie. Cela m'a évité de tomber dans un piège grossier, même si tu ne craignais pas grand-chose. J'ai haï ton géniteur à la seconde où je l'ai aperçu. Fosset, le directeur du personnel, n'a jamais aussi m'apporté son nom. Il ne savait littéralement pas où se mettre. Tu sais comme moi combien il est courageux en temps ordinaire, mais là, il a dû découvrir des rivages inconnus. Il était blême et sué à grosses gouttes, comme si ma résistance pouvait lui coûter sa place. Peut-être qu'à une autre époque. Heureusement, l'arrivée de Gourdet a mis fin à l'entretien. Il a eu l'air surpris de voir ton géniteur et visiblement, sa présence ne lui faisait pas spécialement plaisir. Cela ne doit pas te surprendre, car j'ai appris depuis que ton charmant géniteur avait plus d'une fois demandé sa tête dans le passé. Paris, le 12 octobre 1968. Chère Marika, tu ne peux pas savoir comme j'étais heureuse de recevoir ta première lettre, et que tu aies bien reçu les miennes. Notre petit ange va le mieux du monde. Pour avoir le plus de nouvelles possibles à te communiquer, je multiplie mes allées et venues à Saint-Vincent. Grâce à la complicité de Francine Cartier, je parviens à quitter le boulot 10 minutes avant la récréation du soir, sans que personne n'y trouve à redire. Elle est vraiment chic, Francine. Elle sait combien c'est important pour moi, même si elle ne connaît pas les détails de l'histoire de Marie. Une fois à Saint-Vincent, je prends bien soin de ne pas me montrer. Il y a un endroit qui convient parfaitement et je ne suis pas la seule à utiliser cet observatoire. le trousseau fait toujours autant merveille. Aujourd'hui, Marie portait le petit manteau écossais que j'aimais tant. Il lui va à ravir. Je suis contente de voir que peu à peu tu te fais à ton nouvel environnement. Je compatis pour la chaleur. Je n'aime pas trop cela et avec ta peau blanche. Surtout, sois prudente. Je pense tout le temps à toi. Je suis fière que tu te montres si courageuse et que tu te tiennes exactement à ce que nous avons décidé. Pour ma part, je n'ai aucune nouvelle de ton géniteur, mais cela ne m'empêche pas de demeurer aux aguets. Sois tranquille, je respecterai mon serment. Personne ne saura jamais. Je travaille toujours aussi consciencieusement, mais je garde mes distances, sauf avec Francine Cartier, sur laquelle je sais que je peux compter à tout instant. Nous lui devons une fière chandelle. Sois tranquille, elle ne nous trahira pas. Elle le fera d'autant moins qu'elle a aussi connu une période très difficile dans le passé, même si ce n'était pas du même ordre. Pétroleus ne change guère. Paris, le 5 mai 1969. Cher Marieke, pratiquement un an déjà, comme le temps passe. Marie ne remettra sans doute jamais les deux petites robes bleues à fleurs sans manches. Elles sont désormais trop petites. Elle a bonne mine. Ses cheveux ont bien poussé. Ils arrivent à présent à mi-dos. Le coiffeur de Saint-Vincent se contente juste de les égaliser, une fois de temps en temps. Il me rappelle les tiens. Ils sont d'un joli miel, très lumineux. Tu sais combien je te les ai toujours enviés. Notre mari ira au cours préparatoire en septembre. Il faudra alors qu'elle porte une blouse à carreaux, pas très saillante. Le fait qu'elle n'ait intégré la maternelle qu'en grande section n'a posé aucun problème. Elle n'a pas de retard par rapport aux autres enfants. Sur ce plan même, si c'est bien le seul, Nanou a fait du bon travail malgré son manque de méthode. Tu dois te demander comment je parviens, jour après jour, à te donner des nouvelles aussi précises de Marie. J'ai monté un véritable réseau très structuré. Grâce à cela, je peux user de mille et un tours sans jamais me faire repérer. Je pense parfois que j'aurais pu faire une espionne tout à fait acceptable, si un jour je devais me reconvertir. J'enrage seulement de ne pas pouvoir te donner plus de détails. Mais si jamais ce courrier tombait dans de mauvaises mains... Paris, avril 1972. Chère Marieke, j'espère que ta grand-mère résistera encore longtemps aux assauts répétés de ton géniteur. Ne se calmera-t-il jamais? Comment une femme si exceptionnelle a-t-elle pu mettre un être si mauvais au monde? Est-ce que par hasard il ne tiendrait pas cela de son père? En tout cas, je joins mes prières aux tiennes pour apporter à ta grand-mère la force nécessaire. De notre côté, je suis heureuse de voir que tu as d'autres nouvelles que les miennes. Ainsi, tous les liens ne sont pas rompus. Es-tu un peu parvenue à sympathiser avec la société locale ou les apprécies-tu toujours aussi peu? Je sais que ce n'est pas évident de faire sa place dans ce genre de microcosme. Tout ce que je te demande, c'est de continuer à t'accrocher. J'ai confiance en toi. Tu as fait le plus difficile. Bien sûr, j'aimerais beaucoup que tu pleures moins, mais quand j'aperçois notre petit ange, je ne peux que comprendre ton chagrin, d'autant qu'elle est si rigolote. Figure-toi qu'elle joue à la balle aux prisonniers, avec les garçons, et que ma foi, elle ne se débrouille pas mal du tout. Elle est très adroite et, comme elle est plus légère, elle court très vite. Pour la circonstance, elle porte un vieux short kaki un peu trop grand, qui lui couvre bien les genoux. Elle est tordante dans cet accoutrement. Le reste du temps, elle est vêtue très correctement. On sent que Marie est très aimée à Saint-Vincent. Le personnel a vraiment à cœur qu'elle soit toujours la plus jolie possible. Par exemple, ses élastiques de cheveux sont toujours coordonnés à ses vêtements. Ce n'est sans doute pas grand-chose, mais tout de même. Josette Rosay mène admirablement tout son petit monde. Les incidents sont rares, voire inexistants. Elle offre une véritable stabilité à ses enfants et elle est très respectée. Tout bien considéré, c'est un endroit assez protégé, exactement ce qui convient à Marie. Autre bonne nouvelle, notre petit ange n'est plus adoptable. Elle est devenue trop grande et, de toute façon, j'ai appris que Josette Rosay ne comptait nullement s'en séparer. Elle considère Marie comme un élément stabilisateur. C'est une expression bien étrange pour qualifier une petite fille si jolie, mais c'est vrai que Marie n'a jamais créé le moindre conflit. Dernier point, je sors depuis quelque temps déjà avec un garçon qui s'appelle Louis Rivet. Si je ne t'en ai pas parlé avant, c'est parce que je ne pensais pas que cela deviendrait aussi sérieux. C'est le premier à ne pas me faire payer le fait que je sois une sale boche. Il est profondément gentil et prévenant. Il ne se montre pas pressant comme les autres. Pour lui, je ne suis pas qu'une fille. Il me traite en femme. Je ne pensais pas un jour y être si sensible. Quant à toi, où en es-tu avec Armand ? Paris, mars 1973. Cher Marika, je suis si heureuse qu'Armand t'ait enfin demandé en mariage. J'ai toujours su qu'il avait le béguin pour toi. Il n'y avait vraiment que toi qui ne voyais rien, mais comment t'en vouloir ? Quand on a été ébloui par le soleil. Enfin, je suis heureuse de voir que ta vie repart enfin. Pour ce qui est de l'opération, tu fais ce que tu veux, naturellement. Même si, à mon avis, tu cherches une fois de plus à te punir. Pour moi, cela me paraît parfaitement inutile, mais je ne suis pas dans ta position. Je me doute que tu dois être confronté chaque jour à tellement d'horreurs. Sois prudente, et surtout, je prie pour que tout se passe bien. Notre petit ange grandit beaucoup en ce moment. En long, mais pas en large. C'est une véritable brindille. Pas de problème à signaler à part de grosses difficultés en rédaction. Ce point inquiète vraiment Josette Trozet. Il semble que Marie ne parvienne pas à se projeter dans l'avenir. Pourtant, elle n'est pas peureuse, loin de là. C'est dommage qu'elle soit tellement dépourvue d'imagination. Paris, juillet 1973. Cher Marieke, tout va bien du côté de notre petit cœur. La meilleure des fées veille sur elle, si tu pouvais la voir. Elle l'irradie littéralement de bonheur. C'est très fort. Je ne sais pas où elle parvient à puiser toute cette confiance. Elle ne se plaint jamais, n'est pratiquement jamais malade à part un petit rhume en début de printemps. Elle est aimée de tous. Elle est censée s'entourer des plus jeunes parce qu'elle est douce dans ses manières. La semaine dernière, elle a appris à faire du crochet et c'était touchant de la voir tant s'appliquer sur son ouvrage. Naturellement, je te présente toutes mes condoléances pour la perte de ta grand-mère. Je sais combien tu dois être dévasté. Vos liens étant demeurés, heureusement, très forts. J'aurais dû commencer par là, mais j'ai pensé que quelques nouvelles de Marie te réconforteraient. Comptes-tu vraiment te rendre aux Pays-Bas ? Si tu t'y résous, promets-moi de redoubler de prudence, même si Armand t'accompagne. Il serait si horrible de te remettre dans les griffes de ton géniteur. J'espère que ta grand-mère a pris ses dispositions pour te protéger au mieux. Je savais bien que tu aurais à l'affronter un jour ou l'autre, mais je redoutais que ce soit si tôt. Paris, 15 janvier 1974. Chère Marieke, je suis heureuse de t'annoncer qu'à mon tour j'ai sauté le pas. Je suis devenue Madame Louis Rivet. Personne n'est venu de Berlin, mais cela je m'y attendais, même si ma mère est tout de même parvenue, je ne sais comment, à m'envoyer une jolie lettre qui, pour une fois, n'était pas censurée. Même si le propos est anodin, la vie ne semble guère s'être améliorée depuis mon départ. Mais que veux-tu ? Ma famille a le malheur d'être du mauvais côté. Comme donc aucun représentant de ma famille n'était présent, Louis m'a proposé de faire les choses très simplement. Francine Cartier m'a servi de témoin et Louis a demandé à sa sœur de remplir le même office, ce qu'elle a fait de bonne grâce. Ainsi, c'était toute une petite noce, puisqu'en tout, nous étions 10, en comptant les parents de Louis. Je portais une courte robe blanche. J'ai regretté que tu ne puisses pas être là, car cela faisait un vide, mais la fête n'en a pas moins été très gaie. Comme Louis a toujours autant de travail, il n'est pas possible de partir en voyage de noces, ce qui m'arrange bien. Il était si malheureux de devoir reporter. Cela m'a vraiment touché. Pour le consoler, je lui ai dit que cela nous donne plus de temps pour choisir la destination et peut-être un peu plus d'argent. Notre petit cœur va bien. Elle est bonne élève, elle lit très bien. Elle a une jolie voix. L'entrée en 6e ne devrait poser aucun souci. Je suis contente que tu sortes un peu. Armand a bien raison de te pousser à aller au dispensaire, même si tu dois en boire de sévères. Paris, septembre 1974. Cher Marieke, ça y est, notre petit cœur a intégré la 6e ce matin. Curieusement, c'était assez émouvant. Je l'ai sentie assez à l'aise car elle connaît les lieux. Elle a déjà sympathisé avec une fille qui paraissait complètement perdue. Elle ne doit pas être à l'institution Saint-Vincent-de-Paul depuis très longtemps et tu connais notre mari. Elle devait lui faire faire le tour du propriétaire, rôle que visiblement elle prend très à cœur. Si tu la voyais. Elle est vraiment ravissante. Elle est grande et très fine. Elle fait vraiment scandinave. Elle a les dents très blanches et une jolie peau. Elle est très soignée, malgré des vêtements pas toujours très neufs. Josette Rosée a beau faire tout ce qu'elle peut, et crois-moi qu'elle se démène sans cesse. Ses moyens demeurent assez limités. Pour ma part, j'aimerais tant pouvoir faire plus. La semaine dernière, j'ai porté quelques vêtements récupérés à droite et à gauche. J'ai fait particulièrement attention que des choses tout à fait correctes. Ma contribution a été d'autant plus appréciée que Saint-Vincent a atteint sa capacité maximale d'accueil au mois de février dernier. L'hiver a été terrible. Des enfants n'ont cessé d'arriver, toujours plus jeunes, plus sales, et déjà bien maltraités par la vie. Beaucoup ont été déposés devant Saint-Vincent, au petit matin, pétrifiés de froid et de peur, muets comme des carpes, terrifiés à l'idée d'être rejetés une nouvelle fois. Les plus chanceux portent un manteau pouilleux, mais c'est loin d'être la majorité. Bien sûr, ce n'est certainement pas comparable à ce que tu dois voir dans le dispensaire de ton ami, mais cela fait très mal quand même. Je suis contente des dispositions de ta grand-mère. Il est seulement un peu dommage que notre petit cœur ne puisse en bénéficier, mais je mange, à ton avis, autant ne pas donner l'alerte. Si, tout comme toi, je pense que nous n'avons absolument rien à redouter d'Armand, il n'en est pas de même de ton géniteur. Il ne serait guère difficile de se renseigner sur l'attribution de certaines sommes. Évidemment, tu n'as aucun compte à lui rendre, mais l'homme n'étant pas dépourvu d'imagination, il trouverait bien un moyen de t'atteindre. De plus, je me demande si ce serait un service à rendre à Marie. Je crains qu'il soit bien trop tard, et puis tout bien considéré, l'avenir ne s'annonce pas si mal pour elle. La meilleure chose que nous pouvons faire pour elle est de lui donner l'opportunité de faire ses preuves. En tout cas, je loue l'esprit de ta grand-mère. Quelle femme! J'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Ainsi, elle avait prévu les attaques posthumes de son fils. Même si cela ne m'étonne pas, cela a tout de même dû être très dur pour elle. Paris, avril 1975. Cher Marieke, je t'avoue que ta dernière lettre m'a plongé dans l'effroi. Je pense comme toi, le coup ne peut venir que de quelqu'un d'interne à Pétroleus. Pour l'instant, je ne vois pas qui, mais laisse-moi mener ma petite enquête. Quelqu'un finira bien par cracher le morceau. Ici au moins, la vie continue à s'écouler paisiblement. Notre petit cœur est toujours en tête de classe malgré ses difficultés en rédaction. Visiblement, elle n'arrive pas à développer son imagination. Elle continue à grandir et elle a visiblement beaucoup d'admirateurs, même si tout cela reste très gentil. Josette Rosée veille au grain et ce que nous devons à cette femme est considérable. Elle est vraiment remarquable. Je sais bien que notre mari le mérite, mais tout de même, c'est vraiment une bonne personne qui la guide au mieux. Elle ne se montre jamais brutale. Elle ne fait que suggérer, et crois-moi, ça marche. Les ados qui font le mur à Saint-Vincent-de-Paul sont vraiment très rares. Ils s'y sentent trop bien, et cette réussite doit être mise au seul crédit de Josette Rosée, qui se dévoue corps et âme à ses petits protégés. Paris, 23 décembre 1975. Chère Marieke, tu ne peux savoir combien ta dernière lettre m'a fait du bien. J'ai toujours su qu'Armand était fait pour toi, et ne vient-il pas de le démontrer de façon éclatante? Ton géniteur aurait dû se méfier. Si Armand a réagi aussi violemment, c'est qu'il a vraiment dû dépasser les bornes. Je savais qu'Armand avait fait de la boxe. Il m'en avait parlé. Quant à l'histoire de son frère, elle a fait les gros titres des journaux en son temps. Armand en a beaucoup souffert car il adorait son frère. Celui-ci a eu la malchance de tomber sur un mauvais numéro. Il l'a payé très cher. J'espère que tu ne comptes pas soutenir indéfiniment ton géniteur, car ce n'est pas le pli à prendre, d'autant que tu n'as rien à y gagner, à part une bonne dose de mépris. Laisse-le sombrer corps et bien, c'est tout ce qu'il mérite. Qu'il affronte enfin les difficultés. N'a-t-il pas cherché à prendre le contrôle de ton argent par mille et un détours? Si encore il était capable d'arriver à quelque chose? Je ne serais pas contre le fait de tenter l'expérience avec une petite somme, mais l'homme a montré depuis longtemps qu'il n'y avait rien à en attendre. La seule chose que l'on puisse reprocher à ta grand-mère, c'est de l'avoir maintenue à flot si longtemps. Mais que veux-tu? Elle était sa mère, ce que tu n'es pas. Notre petit ange, pour sa part. La Garenne, Colombe, Épinay-sur-Seine, Bourthe. 12 décembre 2011, 28 août 2012, 17 février 2016. Une ronde pour Dutilleul, Sophie Malcor.